Le premier ministre coréen Park Bong-joo s'est renseigné sur place des dégâts de sécheresse de l'arrondissement de Fangju de la province du Fanhe du Nord. Il a fait le tour des fermes coopératives de Sokchon et de Lyongchon pour encourager les officiels et travailleurs en campagne contre la sécheresse. Lors des réunions consultatives, des mesures sont prises pour adopter des méthodes efficaces contre la sécheresse à l'aide de l'eau nutritive, rechercher et utiliser au maximum les sources de l'eau et en même temps approvisionner en priorité en véhicules et matériaux nécessaires par les ministères et les établissements centraux.